surtout chez l'homme. On parle évidemment de la vierge chez la femme, mais quand on parle de chasteté, on parle encore une fois au niveau de l'évolution de l'homme. Évidemment, ceux qui sont cloîtrés, la femme a pu être amenée à la chasteté pour elle. Mais la femme n'a pas tellement besoin d'être chaste, c'est beaucoup plus l'homme. La femme, l'énergie vitale, elle en a en masse. Parce que l'homme, lui, il doit en rechercher. La chasteté, c'est une condition qui permet à l'être humain de conserver à l'homme ou à la femme, de conserver ses énergies sexuelles chez lui. Une chose qui doit être comprise, c'est que la femme ne peut pas être chaste comme l'homme. Frustrant? Un peu. Pourquoi? Chaque fois que la femme est menstruée, elle rejette de l'énergie vitale à l'extérieur. Chaque fois que l'homme éjacule, il fait la même chose. Lorsque l'homme devient chaste, il peut conserver l'énergie chez lui. S'il n'a pas d'éjaculation, de pollution nocturne, c'est dans le chaud. Tandis que la femme, elle, presque mensuellement, elle a ses menstruations où elle perd énormément d'énergie vitale. La femme peut être plus colérique, plus influençable, plus déprimée. Elle perd du sang. Elle a à s'occuper. Enfin, bref, les femmes, comme vous connaissez bien un peu, c'est rare la femme qui est tonifiée, qui est pépée, qui a des menstruées. C'est assez rare. Malgré les annonces qu'on fait, là, c'est qu'elle change de puis ça vient. C'est pas vrai. Bon. Donc, la chasteté, la femme, elle ne peut pas être chaste. Ce qu'on parle de chasteté, c'est de ne pas avoir de relation. Faites attention, il y a l'idée de chaste et pure. Vous comprenez? Pure, on vous les voit, lavez-vous, vous serez pur. Bon, et l'idée de la vie, bon, enfin, franchement. Croissez, multipliez-vous, restez pur. Il faut chercher. Bon. Lorsque la femme a ses menstruations, la femme a un potentiel d'énergie vitale tellement supérieur à celui de l'homme que finalement, ses menstruations, à part créer des perturbations mensuelles au niveau vital, au niveau de l'énergie, ne perturbent pas son évolution. Tandis que pour l'homme, par contre, si l'homme, lui, a des relations sexuelles trop fréquentes, veut ou pas, cela lentement va le perturber. Ça va faire quoi? C'est bien original, mais ça va empêcher l'homme de développer une parole juste, de raffiner son centre laryngé et de développer sa faculté neuronique de recevoir un savoir instantané. Qu'est-ce que ça va faire? Bon, il va rester plus ou moins heureux, il va avoir besoin des femmes, ça ne paraît pas trop, il va s'amuser. Sauf que, lorsqu'une personne commence à parler, elle a moins de relations sexuelles. Lorsqu'une personne commence à vivre des mutations, elle perd cette affinité à avoir des relations sexuelles. Autrement dit, lorsqu'une personne commence à vivre une mutation, la mutation va se cellulariser chez elle, c'est-à-dire que son code génétique va changer. Donc, elle va finir par avoir à jamais son changement. Elle n'aura pas besoin de continuer à y penser. Elle l'accepte, elle l'autorise. Ça s'en vient cellulaire, c'est cellularisé. Donc, elle est, disons dans un terme, elle se met au monde elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'aura plus, après sa mutation, de correspondance génétique avec ses parents. Et pour cela, elle doit redevenir un enfant, c'est-à-dire qu'elle doit redevenir asexuée en ce sens que l'enfant, lui, qui a besoin d'énergie vitale pour pouvoir finaliser sa programmation neuronique après la naissance, ça prendra tellement de temps, s'il faudrait que ça se passe dans le ventre de la mère, ça n'aura pas de sens. L'enfant vient au monde et il n'est pas viable seul, il lui manque des choses. C'est que la programmation évolutive du corps physique de l'homme est tellement complexe que ça prend un nombre d'années de formation par la suite pour que cela marche. Pendant ce temps, l'énergie vitale ou sexuelle de l'enfant est complètement envoyée au système laryngé pour développer sa faculté d'interpréter la pensée par le contrôle d'un centre vital qui va contrôler les cordes vocales, la langue, la bouche, les joues, la respiration, donc les muscles pulmonaires et ces choses-là pour pouvoir transmettre l'énergie de la pensée dans la parole. Ça demande un développement extraordinaire. Seul l'homme a. En plus, on doit développer par l'énergie vitale la programmation neuronique. Vous savez, on entend dire souvent que des neurones morts, ça ne se refaisait pas. La médecine découvre dernièrement que c'est faux. Bon, j'en ai déjà parlé il y a quelques années en conférence, que les neurones pouvaient se refaire, mais il fallait une maudite dose d'énergie vitale pour leur permettre de se refaire. Une personne qui a un accident cérébrovasculaire, un ACV, elle n'a pas suffisamment d'énergie vitale parce qu'elle n'est peut-être pas suffisamment conservée, on parle surtout de l'homme, et la femme, ça peut être la même chose. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un tissu cicatriciel, le même qui cicatrise nos blessures, qui se refait plus rapidement que le neurone parce que sa structure matérielle